كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. بحمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 1. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى في دراسة هذا الكتاب العظيم، أو دراسة باب من هذا الكتاب، وهو كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. يوم نشوزي سدرس من عمدة الأحكام كتاب الصيام pour plusieurs raisons. أولا لأن رمضان سبيانتو المسلم الله سبحانه وتعالى أمره بالعبادة كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأنت مأمور بصيام هذا الشهر. العبادة elle est fondée sur العلم، elle est fondée sur الإخلاص. tu dois faire le صيام pour Allah سبحانه وتعالى، et ce صيام il sera pas valide, tu auras des حسنات que si tu suis la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم comment il faisait le صيام، c'est quoi les choses qui nous a démontré عليه الصلاة والسلام qui annule le صيام. Il y a des personnes, elles ont la permission de ne pas jeûner, le malade, etc. Vous allez voir qu'il y a des choses recommandées, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Tout ça, c'est fondé sur l'ilm. Le musulman, quand il y a une munasaba comme ça, que ce soit le siyam, que ce soit le hajj, que ce soit le zakat, il doit donner de l'importance. De l'ilm. Amma adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme les gens y font, surtout cette époque où l'ignorance elle est répandue, tu trouves كثير من الناس ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala بالتقليد وهوى، ils suivent les gens de leur pays, ils suivent la majorité, ils interdisent des choses qui sont halal ou ils s'autorisent des choses qui sont haram, ils font des innovations khurafat bid'a. Tout ça pourquoi? Parce que l'ibada n'est pas fondée sur l'ilm. Et la chose que le musulman il doit donner le plus d'importance, c'est le tawhid. Il y en a le tawhid, t'en as besoin toute ta vie. Il y a des adillah qui montrent que la première chose qui te fait rentrer vers l'islam, c'est la ilaha illallah. Et la dernière chose avant que tu meurs, tu dois dire c'est la ilaha illallah. C'est une alamat khayr. Husn khatima. Donc le tawhid, c'est toute ta vie. Kadalik al-salat, c'est toute ta vie, tous les jours. Tu peux debout, tu ne peux pas assis, tu ne peux pas aller djem. Tu ne dois jamais la délaisser, même le malade. Sauf celui qui maintenant, il tombe dans le coma, il raisonne plus, hada, il a fait ce qu'il pouvait. Même une maladie, tu peux plus bouger, tu dois faire salat comme tu peux. Ça te montre que tu dois donner de l'importance à ces ibadat. Et comme on a cité le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé que pour ça. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Alors, on a choisi d'étudier ensemble وَنَسْأَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التَّوْفِيقُ وَالْإِعَانَةِ ce chapitre Kitab al-Siyam min Amdat al-Ahkam. Et on a choisi ce chapitre لأن c'est un kitab عظيم Amdat al-Ahkam. Il a cité et il a résumé les hadiths concernant le Siyam dans ce chapitre de Bukhari, de Sahih al-Bukhari ou de Sahih Muslim, ou des deux. Les hadiths sahiha, mashhoura. Et il a fait ça pour tout le livre Amdat al-Ahkam. C'est un livre dans le fiqh. Il a cité الحديث الصحيحين إلى صن الإسناد إلى رزمي إلى بسيط السند كذلك إلى بسيط الحديث لكن كم إلا أبلي سين عمدة سين باز صليد دون فقه. نحن نبدأ نصم كتاب الصيام نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق on le finisse un jour on étudie les autres chapitres لكن on commence par كتاب الصيام. on a choisi كذلك كتاب الصيام لأنه كما تقدم إلى رزمي simple, court. لأن الوقت اللي ضيق Et quand on était à Damas, on avait étudié avec بعض الإخوان هناك. On avait étudié des, on avait fait des dorus في رمضان. ما يتعلق بالصيام العيد التراويح. Tout ce qui est, tout ce qui concerne le mois de Ramadan, et on les a propagés. ولله الحمد. لكن الذكرى تنفع المؤمنين. Donc on doit toujours se rappeler et s'entraider في هذا. أما المؤلف أي l'auteur de ce livre عن الأحكام c'est Al-Hafiz, Al-Imam Abd al-Ghani Al-Maqdisi rahmatullah alayhi. C'est un imam مشهور من أئمة الحنابلة rahmatullah alayhi. واسمه عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي الجماعيلي أي في فلسطين. Son أصل c'est من فلسطين l'actuel Palestine. لكن il a vécu à Dimashq الشام en Syrie, la capitale Dimashq. Et il est mort, rahmatullah alayhi, à Misr, en Égypte. Sa kunya, c'est Abu Muhammad. Ne pas confondre avec l'imam al-Maqdisi ibn Qudam, sahib, umdatul fiqh. Il y a deux umdas dans le fiqh. Il y a umdatul ahkam et il y a umdatul fiqh. Nous, on étudie umdatul ahkam de Abd al-Ghani al-Maqdisi. Et il y a umdatul fiqh. نعم يا عمدة الفقه de الإمام ابن قدامة صاحب لمعة الاعتقاد. Le livre qu'on fait ensemble avec les frères arabophones après العصر. Enfin, ne pas confondre. الإمام عبد الغني المقدسي أي l'auteur de عمدة الأحكام, le livre qu'on va étudier ensemble inshallah ta'ala. Il a un livre كذلك طيب في العقيدة الاقتصاد وفي الاعتقاد. C'est un livre qui ressemble à اللمعة, لمعة الاعتقاد. أي il est مختصر. C'est pour les débutants. Et il a des autres livres, rahmatullah alayhi. Il a كذلك العمدة الكبرى. Il y en a عمدة الأحكام, il en a deux. Il a الصغرى, c'est ce livre, avec 420 hadith, ou exactement 423 hadith. Ça, c'est العمدة الصغرى. Et il a الكبرى, c'est des centaines et des centaines de hadith. La petite عمدة, c'est celle-là. Et là, le Kubra, la grande, c'est un livre qui est plus vaste, il a cité beaucoup plus de hadith. Et il a d'autres ouvrages, rahmatullah alayhi, fi al-sifat, fi al-tawhid, il a al-kamal, fi asma al-rijal. Fanas Allah subhanahu wa ta'ala an yirhama. Et il était à la aqidat al-salaf, et à la manhaj al-salaf. C'est un imam, c'est un sunni, rahmatullah alayhi. Il aime al-haq, il aime al-dalil. Et ces ouvrages, c'est toujours avec le kitab ou le sunna, avec la compréhension des salaf. Et il est mort, comme on l'a fait Misr, l'année 600. Et il est né en 541 à Jama'il, en Palestine. Il a vécu, il a vécu 59 ans, rahmatullah alayhi. Et son kitab, Umdat al-Ahkam, il est mashhour, عند طلبة العلم. Et c'est un livre tayyib, pour celui qui veut commencer dans l'apprentissage fil fiqh, de débuter dans les hadiths, il apprend l'arba'in nawawiyya fiha khayr adhim. Thumma, s'il veut apprendre des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, il apprend umdatul ahkam dans le fiqh. C'est 400 hadiths, lakin, c'est des hadiths courts, mashhoura fi sahihayn. Et petit à petit, talibul ilm, voilà où il en apprend un ou deux par jour, ou tous les deux jours, ou par semaine, kullu wahid ala qadr istita'atih, inshaAllah il sera ala khayr. لأن الشك باب تقع دي أدلة أساس العلم مثلا كتاب الصيام الآن دي أدلة صحيحة في الصيام نعمة حتى on parle pas بلا علم on parle pas بتقليد بهوى du à peu près des rumeurs on m'a dit لا العلم c'est قال الله قال رسول ce livre il va te permettre de dire قال رسول الله quand tu parles de fiqh si tu rajoutes كتاب التوحيد le شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تقع دي أدلة من القرآن ومن السنة dans التوحيد عند الأحكام تقع دي أدلة في الصلاة في الصيام في الحج طول أبواب دي فقه ستقاجوت الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية تقع دي أدلة من الكتاب من السنة tout ce qui concerne العقيدة الصفات القدر tout ce qui concerne la mort le paradis l'enfer les gouverneurs tout أبواب العقيدة تقع دي أدلة فسي تبخون ces trois كتاب كتب مختصرة et tu rajoutes ce que tu peux من القرآن et tu rajoutes الأربعين النووية Inch'Allah, tu seras à la khir azim. Et c'est ça l'ilm. Chaque domaine, tu auras des adillah. Et nos savants, ils étaient à la hada tariq. Ils apprenaient le Coran. Ils apprenaient mit l'amdat al-ahkam. Al-Arba'in Nawawiyya. Ils apprenaient ce qu'ils pouvaient Al-Sahihayn. Et tous les trois, ils ont atteint un niveau fil'il. Et ils parlent bil-adilla. Amma kathir minan nas, ils donnent aucune importance au hibb. Thumma ils ont un dha'f. Kabir. Thumma les passions elles rentrent. Le jahl il augmente. Et ça fait des fitan. Pour cet ignorant et pour les autres. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala al-i'ana. Al-hibb c'est muhim. Ilm sans hibb c'est pas du ilm. Qabla an-nadkhul, avant de commencer le premier hadith, on fait une brève muqaddima muta'alliqa bi as-siyam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala kitabihi al-'azim ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne as-siyam. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus siyam. Avec ce verset, as-siyam il est devenu obligatoire. Kama kutiba 'alal ladhina min qablikum, ça nous montre que ceux qui étaient avant nous et avant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, كذلك Allah subhanahu wa ta'ala il avait ordonné à leur prophète, à leur messager, qui montre à leur peuple qu'ils doivent jeûner. Enfin, c'est pas khas pour hadhihi al-umma. Mais هذه الأمة ils ont Ramadan, ils doivent jeûner Ramadan. Et les autres أمم كذلك ils avaient الصيام. قال العلامة المفسر عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره أي عند تفسير هذه الآية يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض أو فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة. Ça c'est une ni'ma. C'est une ni'ma أن الله سبحانه وتعالى il nous a légiféré هذا الصيام. Léanna, tu vas voir, on va citer des fada'il, les bienfaits, les mérites de Ramadan, de Siyam, et tu vas comprendre, annahu c'est une ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tes fautes, il t'élève en degré, c'est une cause pour qu'il t'aime, c'est une cause pour que tu te remettes en question, tu reconnaisses toi-même les ni'ma, ou les ni'am, léanna avec la faim, la soif, tu vas savoir que quand tu manges et tu bois, c'est une ni'ma, kadalik tu vas ressentir la douleur de ceux qui n'ont pas à manger, à boire. Ça, c'est une ni'ma pour l'ibad. Et la plus grande ni'ma, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé un ajr azim pour ceux qui font siyam. Et la récompense, elle est énorme. Comme on va voir. قال لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. C'est pour l'ibad. C'est un profit, un bienfait pour toi. وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لهم ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمصارعة إلى صالح الخصال. نعم. Les أمم avant nous, ils ont fait. كذلك نحن. On s'empresse à faire. وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. نعم. C'est pas quelque chose de impossible, de lourd, qui a été imposé qu'à nous. Là, les أمم avant كذلك. Et nous, كذلك الله nous a ordonné, لكن avec des facilités. Tu jeûnes une période assez courte. Tu peux manger la nuit, tu peux boire. خاصةً celui qui a l'habitude, c'est très très simple. Et celui qui ne peut pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghafour, il est rahim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Comme on va voir quand on va détailler les ahkam. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى. تقوى c'est la crainte. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala بعلم. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. En espérant le jannah. En craignant le nar. C'est ça le taqwa. Parmi les causes qui vont te donner taqwa, as-siyam. La'allakum tattaqoun. Et les muttaqoun, ils sont fil jannah. Ça te montre anna as-siyam, c'est une cause azima pour rentrer fil jannah. قال فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. نعم. Tout ça c'est pour Allah. Allah t'a ordonné des choses, interdit des choses. في الصيام وفي غير الصيام. Si tu les appliques pour Allah, c'est ça l'ibada, c'est ça التقوى. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليه نفسه. Ça montre que ce abd, il espère la récompense. Les anahou, il délaisse sa nourriture, sa boisson. Al-jima'a, s'il est marié. Tout ça, il le déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il pourrait aller dans un endroit, personne ne le voit et il mange. Ah oui, boit. Lakin, al-mu'min, il fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, il se prive de ces choses. Ton âme, ta fitra, elle a besoin. C'est des choses naturelles. On se prive un mois dans l'année, une période déterminée, ay, lever du soleil, tolou' al-shams, ou tolou' al-fajr, jusqu'à al-ghuroub, ghuroub al-shams, le coucher du soleil, tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. قال التي تميل إليه إليها نفسه متقربا بذلك إلى الله راديا بتركها ثوابه فهذا من التقوى. Ça, ça fait partie de التقوى. Délaisser tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. طيب كذلك Al-mu'min, il s'habitue à délaisser des choses pour Allah. Vous avez remarqué que Katir min al-nas, et on a tous des faiblesses, et fait Ramadan, t'as moins de faiblesses, tu fais plus d'efforts. Enfin, ce mois, il t'aide à remonter ta foi, faire des efforts, ça t'aide, et inshallah, le reste de l'année t'en profite. قال ومنها أن الصائم يضيف أو يضيق مجاري الشيطان. نعم. فإنه يجري من بني آدم ومن ابن آدم مجرى الدم. كذلك أن avec la faim, la soif, tu te fatigues et tu dayiques على الشيطان. لأن الشيطان comme il a informé le Nabi صلى الله عليه وسلم, il circule comme le sang circule dans les veines. فأنت avec ce siyam, tu t'écartes des وساوس de الشيطان. Et الشيطان il s'écarte de toi. قال فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. نعم. Pourquoi? Parce qu'il combat son nefs. Il combat sa shahwa. Il mange plus. Cette période, du matin au soir. Il boit plus, etc. Ça le rend, son iman, il est plus qawif et il s'écarte plus facilement des ma'asi. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته والطاعات من خصال التقوى. Ça, c'est en général. En général, beaucoup de personnes, des ma'asi qu'ils font durant l'année, ils les arrêtent pendant Ramadan. Et fil haqiqa, ça ne doit pas être que pendant Ramadan. Là, si tu es éprouvé par une chose, tu fais des efforts, et Ramadan, tu sens que tu as plus de force, et t'arrêtes, ça continue, akhi al-karim. Liyanna al-a'mal bil khawatim. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort, elle va te chercher. Si tu reprends cette ma'asiya et tu meurs, ce n'est pas tayyib pour toi, et pour ton din. Ça nous montre que on fait kadalik plus d'efforts fi Ramadan au niveau de da'wah. Il y en a, les gens, ils acceptent plus aqsad al-muslimin. Ils acceptent beaucoup plus. C'est pour ça que kathir minhum, ils vont au masjid alors que d'habitude ils y vont pas. Ils posent des questions alors que d'habitude ils en posent pas. Ils font des efforts alors que d'habitude ils en font moins. Fa anta en tant que talib ilm, en tant que da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala, tu leur montres al-aqida al-salafiyya. Tu leur montres cette ni'ma, ni'ma al-ilm. Tu leur montres le tawhid. Tu les mets en garde contre al-shab, contre al-kufr et contre afkar al-kuffar. T'en profites. Lianna al-muslim, dans cette période, il accepte beaucoup plus. Kadhalik anta, tu fais plus d'efforts. Et on verra un chapitre, inshallah, sur hada, les efforts que le muslim doit faire pour Ramadan. Qala wa minha anna الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين. أي سبيل العدم سكينهم با. قال وهذا من خصال التقوى. كذلك سين حكمة عظيمة أن celui qui a et qui a l'habitude de manger et de boire, ربما ça devient normal. Avec le صيام ça va te permettre أولا de reconnaître encore que c'est une ni'ma encore plus. Léna, tu ne manges pas, tu ne bois pas, malgré que tu sais que c'est une ni'ma. Léna, une chose, quand tu la délaisses et tu la reprends, tu savoures plus. Kadhalik, tu vas ressentir la douleur de ceux qui n'ont pas. Kathir ibn al-Nas, ils n'ont pas de quoi manger, ou de quoi manger à leur faim, ou ils ne mangent pas tous les jours. Anta, tu vas reconnaître, avec hada siyam, tu vas ressentir cette douleur. Et ça va te permettre d'être reconnaissant, d'aider tes frères qui n'ont pas, de faire dua pour eux, de les aider financièrement si tu peux, كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمة الله عليه. فهذا الصيام إلى ذي فضائل عظيمة. Ce siyam, il a des bienfaits, des mérites. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a légiféré pour une hikma azima. Et on a lu la parole de Cheikh Sa'di, fiha khayr azim. Parmi les fada'il qu'on peut citer, et les mérites, awwalan al-ajr al-azim. Il y a une récompense azima pour celui qui fait le siyam. Lakin, bien sûr, tout ça, c'est pour celui qui est sincère. Tout ça, c'est pour celui qui fait le siyam correctement. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدي شروط إيمانا واحتسابا. سيأتي معنا الحديث. Donc la première récompense الأجر, le premier فضل الأجر العظيم. قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. الله سبحانه وتعالى إلى ستة هؤلاء المسلمون إلى ستة المؤمنون إلى ستة القانتون الصادقون parmi eux إلى ستة ceux qui font الصيام. قال والصائمين والصائمات ceux qui font الصيام والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سورة الله سبحانه وتعالى il leur a promis une récompense énorme. Un mois, tu es patient, et c'est pas difficile, tu te prives pour Allah subhanahu wa ta'ala, كذلك ça t'éduque, ça te permet de plus patienter, de ressentir la douleur des autres comme on a dit. Avec tout ça, tu as l'ajr azim عند الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. Toutes les œuvres de Bani Adam, si tu fais une حسنة, automatiquement Allah subhanahu wa ta'ala il te multiplie la récompense par 10. Fadlullah subhanahu wa ta'ala. Alors que le péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il te le laisse un. T'as fait un péché, c'est compté un péché. Al-hasana, c'est multiplié par 10. Fadlullah. C'est pour ça que hadith din, c'est une facilité. Et c'est pour ça que al-muslim, il doit être fier de son din. Ta'ammal hadith al-fadl. La tadhan anna al-kafara, ils veulent ton bien. Ils essayent de te montrer que ce din, c'est plus adapté. Il est cruel, il faut même changer certains versets, certains ahadith. Ils prétendent hakada et ils trouvent min man yantasib hadhihi al-umma zanadiqa dallal. Il les appuie fi hada et ils pensent que le musulman il est fi ghafla et il veut plus de son din. Na'oudou billah. Ce din c'est une ni'ma. Une hasana est multipliée par 10. Ben ça peut monter jusqu'à 700. هكذا أخبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Tu peux faire une hasana, Allah te la multiplie par 700. قال الله عز وجل إلا الصوم, sauf le صوم, sauf le صيام. فإنه لي وأنا أجزي به, sauf le صيام. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te donnera la récompense. Pourquoi? Parce que tu t'es privé de choses que pour Allah subhanahu wa ta'ala, t'as fait des sacrifices. فالصيام Allah subhanahu wa ta'ala il te récompense. Ça peut être plus que 700. Toi, tu dois comprendre que la hasana, ça peut être multiplié par 10 et 700 dans tous les amals, sauf le siyam, c'est plus. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui récompensera ceux qui font as-siyam. Kadhalik, al-hadith il est fi sahih muslim. Kadhalik, parmi les fada'il de as-siyam, annahu, c'est un sabab pour takfir ad-dunub, pour effacer les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les péchés du 'abd avec son siyam. في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Donc entre les salawat, entre les deux jumu'ah, entre Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne les péchés. Celui qui fait Ramadan cette année, Et bi'idnillah, il le fait l'année prochaine. Entre les deux siyam, Allah il lui pardonne. Idha shtunibat al-kaba'ir. Amma al-kaba'ir, les grands péchés, kaz-zina, wal-qatl, wal-riba, etc., obligé de faire tawbah. Amma les petits péchés, et ils sont kathir, tous les jours, une mauvaise parole, un mauvais regard, un mauvais comportement, tous ces péchés qui s'accumulent avec la régularité dans l'ibadah, tu fais le Jumu'ah, cette semaine tu l'as fait la semaine prochaine. Kadalik le salawat, tu fais le fajr, tu fais le tuhur, tu fais le asr. Entre ces ibadat, kadalik, siyam ramadan et siyam ramadan, celui de cette année et celui de l'année prochaine, ou celui de cette année et celui de l'année précédente, Allah y pardonne les fautes du abd. Et d'ashtunibat le kaba'ir, si s'écarte des grands péchés. Wa an Abi Hurayra kadhalik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al hadith il est fi sahihayn. Allah lui pardonne ses péchés antérieurs qui sont passés. Si il fait Ramadan imanan wa ihtisaban. Et ça nous montre anna siyam Ramadan c'est pas une coutume. C'est pas une coutume. Ba'dhum c'est des kafara. Ni fi salat ni la di shahada. Ni se prétend musulman, lakin il fait le siyam parce qu'il a des amis musulmans. L'islam, ce n'est pas un jeu. Ça, c'est une ibadah azima. Celui qui veut faire cette ibadah, imanan wa ihtisaban wa illa yut'ib nafsa, il s'est fait du mal. Il s'est fait du mal et fil haqiqa, c'est min as-safaha. Je te prive pour suivre des amis. Na'oudou billah, tu te prives, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qala l'imam al-Nawawi. في شرح مسلم رحمه الله عليه معنى ايمانا اي تصديقا بانه حق معتقدا فضيلته c'est cette croyance cette conviction ton siyam il te sera utile ايمانا اي تصديقا tu sais que ça marque la légiférée tu reconnais que c'est حق et tu reconnais les mérites واحتسابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام النووي اي يريد الله تعالى وحده. Et son but, c'est la satisfaction d'Allah seul. Et il sait que c'est une adoration. La yaqsud ru'yat an-nas wa la ghayra dhalik mimma yukhalif al-ikhlas. Son but, c'est pas les gens. Ils vont dire tu jeûnes pas. Là, tout ça, ça contredit l'ikhlas. C'est pour ça que tu trouves ba'd an-nas, il délaisse beaucoup d'ibadat. Il fait que siyam. Pourquoi? Parce que c'est devenu une coutume. Ça fait partie de la culture de certaines personnes. Anahu ifasiyam. Et il pense que c'est ça l'islam. Il a un prénom musulman et ifasiyam. C'est pour ça que vous avez remarqué, inda ba'd an-nas, si tu délaisses siyam, c'est comme si tu as délaissé at-tawhid. C'est comme si tu as annulé ton islam. Et bien sûr, manger du halal. Ba'dhum, ils ont ces deux piliers de l'islam. C'est pas ça de dire. Manger du halal, celui qui mange pas halal, il a fait une ma'asiyah. C'est grave. Lakin, plus grave que ça, shirk. Celui qui fait le siyam, il a fait une ibadah azima. Lakin plus important que ça, at-tawhid. Celui qui n'a pas de tawhid, son siyam, il ne sert à rien. Bil-ijma'. Celui qui fait salat, qui fait le siyam, lakin c'est un mushrik. Il croit aux sorciers, il adore les morts, il demande aux morts, il sacrifie pour les morts. Sidi Fulan, al-wali. Son siyam, il n'est d'aucune utilité. Li'anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man sama ramadan imanan wa ihtisaban. Qala l'imam ibn Rajab, rahmatullah alayhi, fi. بغية الإنسان في وظائف رمضان سان كتاب عظيم طيب الإمام ابن رجب il explique tous les mois de l'année les ibadat qui concernent ce mois et il parle par exemple Muharram il va citer certaines choses tu fais Siyam Ashura dedans tu fais telle chose de l'Hijja il va expliquer il y a l'Hijj tu dois faire l'Hijj chaque mois il parle des ibadat qui sont concernées par ce mois et كذلك il répond aux innovations etc فصيام رمضان. Et il explique tout ce qui concerne Ramadan. Et ils l'ont imprimé seul, le livre d'Ibn Rajab qui détaille les 12 mois, ils l'ont imprimé, ils ont retiré le chapitre de Ramadan, ils l'ont imprimé en une risala. Et il l'a appelé, rahimahullah, Bughyat al-insan fi wadaif Ramadan. Qala bi, wa takfir as-sa'im lidhunub mashrut bit-tahaffud mimma yanbaghi at-tahaffud minh. Bien sûr, tu seras concerné par ce bienfait, ce mérite, et Allah y pardonne les péchés. Celui qui fait le siyam, bien sûr, si tu respectes certaines conditions. Imanan wa ihtisaban la bud. C'est pas tous ceux qui font le siyam, annahum, ils ont ces mérites. Après tout ça, on peut citer la mas'alat de celui qui fait le siyam et il fait pas le salat. Ça, c'est une moussiba. C'est une moussiba. Et c'est des personnes, elles sont nombreuses. Les asaf. Kathir. Ils font siyam et ils font pas salat. Walillahi alhamd, les musulmans qui font salat et qui font siyam, et c'est des mouahidons, ils sont kathir. Walillahi alhamd. Lakin, tu trouves des autres. Et ils sont pas minimes, ils sont beaucoup, Ani. Ils font as-siyam et ils délaissent as-salat. Su'ila Cheikh Abdel Aziz Ben Baz, rahmatullah alayhi. Ce sujet, lui, on pose la question, hunak, man yasum wa yu'addi al-ibadat, walakinahu la yusalli. Fahal yuqbal sawmuhu wa ibadatuh. Nahnu aussi cette masala pour te montrer, akhi al-karim, anna si tu veux profiter de ses mérites, tu dois te soumettre, tu dois suivre, tu dois respecter des conditions. As-siyam, c'est pas ne pas manger, ne pas boire et c'est tout. Ba'dhum, ils dorment toute la journée. Ba'dhum, ils font des ma'asi. Ils se privent, ils mangent de la nourriture et de la boisson et ils les font ma'asi. Et ils ne font pas salat. Wal'iyadu billah. Qala Cheikh Abdel Aziz, الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عبادته حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. C'est ça الصحيح. أنه son siyam il n'est pas accepté et aucune de ses ibadat elles sont acceptées tant qu'il ne fait pas الصلاة. لأن celui qui délaisse الصلاة c'est pas un مسلم. قال لقوله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Il cite ce verset, les Anna Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, pour lui, et c'est la vie authentique, celui qui délaisse la salat, il est tombé fil kufr al-akbar. Et le kafir, ses œuvres, elles sont annulées. Thumma, il cite l'adilla. Parmi les adilla qu'il a cité, qawla nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, bayna al-rajul, wa bayna al-kufr, wa al-shirk, tarku salat. Entre l'homme et al-kufr wa al-shirk, aïe, le musulman, c'est délaisser la salat. Et si tu délaisses la salat, tu bascules vers le kufr et vers le shirk. Qala kharrajahu muslim fi sahihihi min hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Hadith il est sahih muslim. Wa liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Celui qui la délaisse, il a mécru, kafar. Hakada qala nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في ذلك في رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها وهي رسالة مفيدة تحسن مراجعتها والاستفادة منها. شيخ عبد العزيز رحمة الله عليه conseil de lire la رسالة الإمام ابن القيم في أحكام الصلاة وتركها. Et il détaille ce sujet. À la kulli hal, celui qui délaisse le salat, il est à la khatar. C'est amoud din. C'est le deuxième pilier de l'islam. Pourquoi faire cette ibada et délaisser l'autre? Alors que la première, elle est plus importante. Comme a dit Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, fil muntaqa, قال الذي يضيع الصلاة لا يصح منه الصيام ولا غيره. Celui qui délaisse le salat, le siyam et les autres ibadat, elles sont d'aucune utilité. لأن ترك الصلاة كفر. والكافر لا يصلح منه عمل. نعم الكافر c'est pas accepté ces عمل. La but, tu commences par le début, أخي الكريم, التوحيد, الشهادة. T'adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, t'as la conviction que celui qui mérite l'adoration c'est Allah seul. Tu crois au prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam et t'as la conviction que pour adorer Allah tu dois le suivre et tu reconnais que c'est al-rasoul pour tout le monde. Thumma, tu fais salat avec l'odo, avec ses conditions en direction de Qibla, t'apprends comment faire salat, tu récites le Fatiha, tu t'inclines, tu te prosternes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, si tu as de l'argent, al-zaka. Si tu as de l'argent, kadhalik, al-hajj, tu as la capacité. Le mois de Ramadan, il arrive, tu fais siyam. C'est ça les piliers de l'islam et c'est ça l'islam. Amma, prendre ce que tu veux et délaisser ce que tu veux, c'est pas min dinillah, azza wa jal. Qala Cheikh Al-Fawzan, was-salat hiya ar-rukn ath-thani min arkan al-islam, was-siyam ar-rukn ar-rabi'. Cheikh Al-Fawzan, il te montre que la salat, c'est plus important. C'est pour ça que as-sahih, celui qui délaisse le salat, c'est pas un musulman. Et celui qui délaisse le siyam, mais reconnaît l'obligation, ça reste un musulman. Lakin, il a fait un très très grand péché en délaissant un pilier de l'islam. Lakin, les gens, ils ont inversé. Délaisser le salat, pour eux, c'est presque devenu normal, chez certains. Délaisser le siyam, c'est pas possible. Alors que ce n'est pas comme ça. Ça vient d'où, Hada? Ça vient de Shaitan. Pour les égarer, il leur fait croire que l'islam c'est telle chose, hatta ils le font, manger du halal, faire un siyam, c'est tout, c'est ça, être un musulman pour eux. Shaitan, il lui a fait croire cette chose, à ce ab, hatta il l'égare. Bien, le shaitan, il combat l'ab. Il ne va pas lui dire, là, fais pas siyam, l'islam c'est mauvais, fais rien. Là, il va lui faire croire que cette chose c'est bon, ce ab, il va s'accrocher à cette chose, et il va délaisser un fondement beaucoup plus important qu'à ce salat. قال شيخ الفوزان فالصلاة مقدمة على الصيام وهي عمود الدين. نعم النبي صلى الله عليه وسلم إلى cité la salat et il a montré que c'était عمود الدين, c'est le pilier. La première chose que l'abd rendra des comptes, c'est salat يوم القيامة. Si elle est bonne, tout sera bon. Si elle est mauvaise, الإنسان il est à la خطر. Et نحن, la question qu'on pose à هؤلاء, pourquoi délaisser salat? C'est quoi qui va pas? Tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala ou tu prétends adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec siyam? Tu délaisses la nourriture, la boisson, tu délaisses beaucoup de choses, tu te prives. Pourquoi tu ne fais pas cet effort, fais cela? Pourtant, c'est quelques minutes dans la journée. Et Inch'Allah, tu fais des efforts et tu vas voir que ton cœur va s'apaiser. Et Inch'Allah, tu seras à la as-salat al-mustaqim. Amma, délaisser salat pour dunya, délaisser salat à cause du travail, délaisser salat à cause du sport, délaisser salat parce que tu vas t'afficher, ils vont croire que t'es un tel, tout ça, ça montre que ce cœur, il est malade. On conseille nos frères, ils font un salat. Si vous connaissez quelqu'un qui fait siyam, il ne fait pas salat, il faut montrer dans ces choses. Ça n'a rien de caché. Al-hikma, c'est de montrer. Tu montres, berufk, billati hiya ahsan. Tu le montres, akhi, je veux ton bien. T'es un musulman, tu te prétends musulman. L'islam, c'est al-shahada, c'est salat. Et ton ramadan. Et tu l'encourages, tu lui montres que Ramadan, il n'est pas perdu si tu fais cela. Et il faut de la hikmah fi hada. Tu ne dis pas directement là, ton siyam il est batil, t'es pas un musulman. Là, montre-lui, tayyib, t'as fait siyam, tayyib, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'accepte et tu fais du'a pour lui. Tu lui montres que la cause pour qu'il soit accepté, c'est salat. Et tu lui montres que salat c'est une facilité et tu lui montres les bienfaits de salat. Tu l'encourages et inshallah il y aura du khayr. Enfin, eux ils sont fautifs, les annahum ils font pas d'efforts. Et كذلك, nous, des fois on est fautifs, les annahum, on montre pas assez. Il faut montrer, surtout en période de siyam. Vous avez remarqué que les masajidis, ils sont pleins fait Ramadan. Les annahum, il y a une autre chose, c'est que Bardenas, ils délaissent salat après. Ça aussi, c'est musib. Anta, tu le montres, tu l'encourages. Pendant ce mois, tu le montres. Billati hiya ahsan avec hikma. Et Inch'Allah, il s'accroche et c'est un khayr pour lui. كذلك, من الفضائل أن الصوم c'est un سبب عظيم pour rentrer à l'Jannah. Et chacun de nous, c'est son but. نعم, parmi les bienfaits, كذلك, أن الصوم c'est un سبب عظيم لدخول الجنة. Et comme on disait, chacun de nous, c'est son objectif de rentrer à l'Jannah. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان, يعني باب كسابل الريان في الجنة, يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. Il y a que ceux qui faisaient le siyam qui rentreront par ce bab. Ça montre que parmi les asbab, il y a un bab que pour الصائمين. كذلك الصوم جنة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة. قال الإمام ابن عبد البر سأفجر كوا جنة. قال الوقاية والستر عن النار. C'est une protection contre le nar. C'est une cause pour que tu rentres dans la jannah et c'est une cause كذلك pour te préserver du nar. Pourquoi? Parce que tu t'es abstenu pour Allah عز وجل. قال ابن عبد البر وحسبك بهذا فضلا للصائم. Cette فضيلة في الحقيقة c'est une fadila azim. Si Allah t'a préservé de nar, il t'a préservé d'un grand char. Wa qala al-Imam al-Arabi rahimahullah inma kana as-sawm junna min an-nar li'annahu imsak 'an ash-shahawat wan-nar mahfufatun bish-shahawat. Ya hadith anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam démontre anna huffat al-janna bil-makarih wa huffat an-nar bish-shahawat. Ay an-nar elle est entourée de shahawat. Celui qui tombe dans ses shahawat, il peut tomber fi an-nar. Az-zina wal-riba fitnat ad-dunya etc. Vu que le sa'im il se préserve contre ses shahawat, il s'est préservé contre le nar. C'est une junna. Et il y a un sitr, une protection entre lui et le nar. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه après avoir cité la parole de l'imam ابن العربي المالكي رحمة الله عليه فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك سادرا له من النار في الآخرة. Si il a fait des efforts في الدنيا en se préservant, s'abstenant de faire ces choses, ça devient source, une protection contre le nar. وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا متفق عليه. Celui qui jeûne, qui fait siyam un jour pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il éloigne son visage du feu une distance de 70 ans. Un jour. Ça montre que siyam est un fadl azim, il y en a tu jeûnes 30 jours si c'est pour Allah. Et كذلك ce hadith il englobe صيام النوافل. Ça montre l'importance de jeûner fi sabilillah, le lundi, le jeudi ou autre, trois jours par mois ou un jour de temps en temps. Ce jour, si tu es sincère, il t'éloigne akhil karim de nar 70 ans. كذلك les sa'im farhatan, ça c'est une fadila azima, ان celui qui jeûne il aura deux joies. كما جاء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. Quand il mange l'iftar le soir, il coupe son jeûne, la rupture du jeûne, il est content. C'est normal, لأنه il mange, il boit. كذلك quand il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة. لأن sous siyam il l'a fait sincèrement pour Allah, c'est une ibadah, bien sûr avec les conditions التوحيد الصلاه etc. Inch'Allah يفرح. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في بغية الإنسان في وظائف رمضان أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح. نفس ألم cette chose, ألم manger, boire etc. Dès qu'elle est privée, si elle retrouve cette chose, elle est heureuse. Tu deviens heureux, tafrah. قال وأما فرحت عند لقاء ربه فيما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا أحوج أو مدخرا أحوج ما كان إليه كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. Tout ce que tu fais, لله سبحانه وتعالى, tu le trouveras عند الله avec une récompense énorme. الحسنة الله il a multiplié par 10, بل il a multiplié par 700 si il veut عز وجل, sauf le صيام, c'est encore plus grand. Donc tout ça يفرح quand tu trouveras هذا يوم القيامة. كذلك رمضان في صيام أو في شهر رمضان تفتح أبواب الجنة. Les portes de الجنة elle s'ouvre. Et ça, c'est une fadila azima pour ce char. Ça montre qu'on doit faire des efforts. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. Les portes de الجنة s'ouvrent, les portes de النار elles se ferment et les شياطين sont attachés. C'est une fadila azima. C'est pour ça que tu trouves les gens ils font plus d'efforts. Le khair il se propage plus. Le char il est moins. Ça te montre que tu dois faire des efforts. Je ne sais pas, peut-être que tu vas mourir ce mois-ci, ce mois de Ramadan. Fais des efforts et si tu meurs et tu as fait des efforts, tu es à la khair. Ishkalun, il y a un ishkal, il l'a cité Muhammad ou l'imam al-Qurtubi, Abu al-Abbas, Ahmed ibn Omar, sahib al-Mufhim. Ne pas confondre avec l'imam al-Qurtubi, sahib al-Tafsir. C'est un autre, هذا. Et il a un kitab Tayyib al-Mufhim. شرح صحيح مسلم إلى ستة حديث ثم إلى ستة إشكال. فإذا قيل فنرى الشرور والمعاصي تقع في رمضان كثيرا فلو كان الشياطين مصفدة أي أتشي أنشيني لما وقع شر. Beaucoup de personnes se posent cette question. Si les chayatines sont attachées, pourquoi on voit des maasi pendant Ramadan? Des gens ils s'énervent, des gens ils volent, des gens ils font pas salat, des gens ils font telle chose. Malgré que le khayr il est plus que d'habitude, lakin il reste du shar. Qa'il, une personne elle peut se demander pourquoi. alors que les shayatines, ils sont attachés. Al-Jawab, il a répondu. Plusieurs points. Premier point, ahaduha, innama tughal anis sa'imin. الصوم الذي حفظ على شروطه نعم ورعيت آدابه أما من لم يحافظ عليه فلا يغل عن فاعله الشيطان. Premier point, les shayatins ne font pas de mal à ceux qui font des efforts, qui respectent les conditions, ils font salat, ils sont sérieux dans leur siyam. Amma celui qui veut faire des ma'as, il ne fait aucun effort, hada, il n'est pas concerné. Premier point. Deuxième point, donc le premier point, les shayatines, ils sont enchaînés, ils ne font pas de mal qu'à ceux qui font des efforts. Deuxième point, si on dit que les shayatines, ils sont tous attachés, donc ils ne font pas de mal à tous les sa'imins. Ce point, il est clair. Ça ne veut pas dire que si tous les shayatines sont attachés qu'il n'y a plus de mal. Il y en a les causes du mal, ils sont... il y a plusieurs causes. Parmi les causes du mal, il y a shaytan. Lakin, il y a des autres causes. Peut-être que cette cause, elle est enchaînée à shayatin, lakin, il y a des autres causes. قال الإمام القرطبي وهي النفوس الخبيثة والعادات الركيكة نعم والشياطين الإنسية. Et c'est trois causes. Les nufus, ربما c'est ton nefs, le nefs de cette personne qui la pousse au shirk. Rubama, des coutumes ou des shayatines parmi les ins. Shayatin min al ins. Ceux-là, ils ne sont pas rattachés. Ben, ils vivent avec nous. Rubama, il fait du mal ou il pousse à faire du mal. Inch'Allah, on finit après la dan. Le troisième point, an yakun hada al ikhbar an ghalib al shayatin. Troisième point, c'est que les shayatines qui sont enchaînés, c'est la plupart des shayatines. Lakin, il peut rester certains qui ne sont pas attachés et qui font du mal. Les trois points, ils ne se contredisent pas. Ça peut être le premier, les personnes qui ne font pas d'efforts. Ça peut être le deuxième point, annahu, c'est son nefs qui le pousse à faire ce mal. Et le troisième, kadhalik, ce n'est pas tous les shayatines qui sont attachés. Enfin, avec ces trois points, la compréhension de nos savants, parmi eux, l'imam al-Qurtubi, t'arrives à comprendre ce hadith. Naam, le dernier bienfait au mérite qu'on peut citer, et il y en a plusieurs, hein, lakin, en résumé, et il a fait la dan, donc on finit. Min fada'ilihi kadhalik, an al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait descendre pendant Ramadan. Qala Allah ta'ala, shahru Ramadan. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Cette ni'ma azima, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a fait descendre fi Ramadan. Qad yaqul qa'il, mais le prophète alayhi salatu wa salam, il y a des versets qui sont descendus Hajjat al-Wada' par exemple, c'était de l'Hijjah, c'était pas Ramadan. Il y a des versets qui sont descendus Safar, Muharram, toute l'année. Qad yaqul qa'il, pourquoi ou comment comprendre ce verset? Le Coran est descendu pendant Ramadan, alors que le Coran il a été révélé au prophète sallam pendant plus de 20 ans, du début de la révélation. Iqra, par exemple, le premier verset qui est descendu, Iqra, c'était pas pendant Ramadan. Le jeûne, c'était même pas encore légiféré, obligatoire. Et de cette période, 23 ans, et le prophète sallam il recevait la révélation jusqu'à qu'il est mort, de 40 ans à 63 ans à peu près. Donc, qad yaqul qa'il, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Qui sait qu'il y a une réponse? Le Coran n'est pas descendu d'un coup sur le prophète sallam. Là, c'était par rapport à ce qu'il se passait. Maintenant, quand ils ont accusé sa femme Aïcha radiallahu anha, Qissatul Ifk, des versets de Sourate Nour, ils sont descendus. Hajjatul Wada', des versets sont descendus. Iqra, au début, des versets sont descendus. Et à chaque fois. Pour le jihad, des versets sont descendus. Pour la salat, des versets sont descendus. Al-an, on a Shahru Ramadan, elle a dit Unzila fihi al-Quran. Comment comprendre? Indaman? Là, la réponse, قال ابن كثير رحمه الله عليه في تفسير هذه الآية وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء سماء الدنيا. Allah سبحانه وتعالى il a fait descendre le Coran d'un coup إلى السماء الدنيا بيت العزة d'un coup. ثم قال وكان ذلك في شهر رمضان. Ça c'était au mois de Ramadan. في ليلة القدر, la nuit du destin. كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. Donc le Coran il est descendu d'un coup la nuit du destin, ليلة القدر. لكن إلى بيت العزة أي في السماء. وقال إنا أنزلناه في ليلة المباركة أي on l'a fait descendre dans une nuit où il y a de la baraka, أي la nuit du destin. Donc ça c'est la première descente, le Coran il est descendu d'un coup إلى السماء الدنيا. ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم il descendait, Jibril il descendait sur le prophète صلى الله عليه وسلم avec des versets par rapport aux événements pendant plus de 20 ans. À chaque fois des versets, des sourates, des versets jusqu'à que le Coran il a été révélé entièrement. قال ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. عند الحاكم عند ابن أبي شيبة plusieurs آثار ابن عباس il explique le verset هكذا et c'est الصحيح. فبهذا on a compris, on a fait le جمع بين الأدلة. كذلك من فضائل رمضان on vient de citer فيه ليلة القدر وليلة القدر خير من ألف شهر. Cette nuit elle est mieux que mille mois et c'est un فضل عظيم. كذلك صلاة التراويح, صلاة التراويح c'est خاص pour رمضان. Tous les soirs المسلمون الرجال والنساء كذلك rassemblent fil masajid et ils font salat al-tarawih après l'Isha, avant le Fajr, al-muhim la nuit. Kadhalik al-i'tikaf, al-i'tikaf est un fadl azim pendant Ramadan. Et tout ça, on y verra inshallah dans les hadiths que al-Hafid al-Maqdisi rahmatullah alayhi l'a cité fi Amdat al-Ahkam. Naktafi bihada et demain inshallah on continue. Nasiha les ikhwanina, c'est qu'ils donnent l'importance au hibb. Donc s'ils peuvent apprendre walaw que le chapitre de Siyam pour l'instant, tayyib. T'apprends le chapitre de Siyam, les hadiths ils sont très courts, la plupart, et tu suis les durus, tu révises, inshallah tahsul ala khayr. Lana al-hifz c'est muhim. Et que des hadiths sur Siyam. Et la plupart des hadiths sur Siyam, tu les as. Tu auras quelques hadiths qui ne sont pas cités fi sahihain, donc l'imam Maqdisi les a pas mis. Tu les verras dans Boulour al-Maram. L'ilm, c'est comme ça, petit à petit. Al-An, tu auras une base. C'est pour ça que l'imam Abdel Ghani l'a appelé Umda. Al-Umda, c'est comme un pilier. Tu dis l'Amoud. C'est ça, Umda. Tu auras ta base dans Ramadan. Tu auras compris les drôles et tu auras ces hadiths par cœur. Thumma, tu auras des autres hadiths qui sont passés là. Petit à petit, tu rajoutes. Hakada l'ilm. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, tawfiq. Hayyakum Allah, subhanak, l'homme, l'homme, l'homme, l'homme, l'homme, l'homme, l'homme, l'homme, l'homme, l'homme, l'homme, l'homme, l'homme, l'homme, l'homme, l'homme, l'homme,